Ayahuasca. Ayahuasca. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique. Notre chemin mène à la connaissance à l'énergie cosmique. Y'a pas de coïncidence, y'a pas de limite. T'es le roi de la danse, le maître de la vie, celui qui délimite. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique. Notre chemin mène à la connaissance à l'énergie cosmique. Y'a pas de coïncidence, y'a pas de limite. T'es le roi de la danse, le maître de la vie, celui qui délimite. La vie ne tient qu'à un fil. C'est dans l'instant qu'il faut vivre, s'écarter des choses futiles. La vie ne tient qu'à un fil. N'essaie même pas de nous faire perdre notre film. La vie ne tient qu'à un fil. À toi de saisir la bonne bobine, pas jouer à l'imbécile. La vie ne tient qu'à un fil. Personne n'a dit que c'était facile, c'est beaucoup plus subtil. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique. Notre chemin mène à la connaissance à l'énergie cosmique. Y'a pas de coïncidence, y'a pas de limite. T'es le roi de la danse, le maître de la vie, celui qui délimite. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique. Notre chemin mène à la connaissance à l'énergie cosmique. Y'a pas de coïncidence, y'a pas de limite. T'es le roi de la danse, le maître de la vie, celui qui délimite. Tout en énergie, il n'y a pas de hasard. J'ai confiance en ce qu'il y a de ma vie, et ça j'en ferai mon devoir. Je sais pas où ce que je vais conduire, mais j'avancerai même dans le noir. Tant que je sens l'harmonie entre le corps et l'esprit. Sois le seul maître de ta vie, mon but tient dans le pouvoir. Écoute ce que dit ton esprit, les ceux qui croient tout savoir. I am Isaac the Mighty, et ne se laissera pas avoir. C'est surtout qu'on a qu'une vie, fait que les daïables d'espoir, mis comme un guet. C'est dans le nom de l'amour, à nos proches qui nous entourent. Que sur la route, sur les carrefours, de la nuit naîtra le jour. C'est dans des mots et des discours, pas dans leur langage de sourds. Que la force viendra à notre secours, donner du courage et de la bravoure. Éviter les pièges et les dédales, marcher les remparts et les murailles. Soigner son âme contre le mal, a une importance cruciale. Rester simple et normal, et trembler social. Pour se fixer une morale, une voix pure et royale. Yes. Suivons la route qui s'instruit devant nous. Faya sur ceux qui mettraient à genoux. C'est l'éternel qui nous fait tenir le coup. Je me battrai pour aller jusqu'au bout. Chaque décision déclenche un événement. Il peut être positif ou non, selon ta méditation. Non, non, non, non, non. Libre à toi de choisir ton camp. Ce choix est très important. Ne le fais pas n'importe comment. Ayahuasca, tu es stop, stop. Arrêtons nos bluffs. Soyons philosophes avant que frappe une terrible catastrophe. Stop, stop. Hey, say, on ne peut plus détruire. Allons atmosphère, un meilleur avenir. Stop, stop. Arrêtons nos bluffs. Soyons philosophes avant que frappe une terrible catastrophe. Stop, stop. Yo, hey, on ne peut plus détruire. Allons atmosphère. Yeah. Pour nos frères, pour nos sœurs, pour que nos enfants n'aient plus peur de franchir les barrières et quelle que soit leur hauteur. Que chacun ramène sa couleur et y mette tout son cœur. Autant d'efforts à faire, vaut mieux pas regarder derrière. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique. Notre chemin mène à la connaissance à l'énergie cosmique. Y'a pas de coïncidence, y'a pas de limite. T'es le roi de la danse, le maître de la vie, celui qui délimite. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique. Notre chemin mène à la connaissance à l'énergie cosmique. Y'a pas de coïncidence, y'a pas de limite.